Chapitre 2. Le prud'homme et sa famille. Elle était mariée à un homme riche, maître de grandes terres, ayant vaches, brebis et chevaux. Ils avaient 3 filles, belles et avenantes, un fils courtois et bien enseigné. L'ennemi, afin de parvenir à ses fins, suivit au champ les valets et tua la plupart des bêtes. Le mot « bête » s'entend particulièrement des moutons. De là le proverbe « 99 moutons et je m'épargne le reste ». Quand le maître apprit de ses bergers la nouvelle, il tomba dans une grande tristesse. Et l'ennemi, sachant qu'il ne pouvait mieux l'attirer à lui qu'en le provoquant à la colère, s'en prit à 10 chevaux gras et forts et les tua dans une seule nuit. Le prud'homme, quand les valets lui racontèrent ce nouveau désastre, ne put retenir une folle et vilaine parole. Il donna au diable tout ce qui lui restait. L'ennemi en conçut une joie extrême et, mettant à profit l'égarement du prud'homme, il fit main basse sur toutes ses autres bêtes. Le chagrin alors éloigna le malheureux père de famille de toute espèce de compagnie. Et l'ennemi trouva dans cet isolement la facilité de surprendre le fils endormi et de l'étrangler. Cette croyance au danger de l'isolement est plusieurs fois exprimée dans notre roman. Dans l'épisode du prêtre dont Merlin découvre le commerce criminel avec la mère d'un de ses juges et qui s'enfuit loin de tous ceux qu'il fréquentait ordinairement, l'auteur fait cette réflexion. Por se défend si compte que nous hommes fuit les gens, que diable repère plus tôt et tient compagnie à gens seuls que à autres. Le prud'homme ayant ainsi perdu ce qu'il aimait au monde, cessa de croire en Dieu. Pour l'ennemi, il mit à profit le temps et revint à la femme. Dès qu'elle ressentit sa présence, elle courut à son cellier, monta sur une huche, saisit une corde et la serra autour de son cou. L'ennemi poussa de son pied la huche et ne s'éloigna qu'après s'être assuré que la femme était étranglée. Le prud'homme ne supporta pas cette dernière honte. Une maladie le prit. La mort ne tarda guère à le délivrer de toutes les douleurs de ce monde. De sa triste famille, il restait 3 filles. Le démon s'occupa de les perdre à leur tour. Le plus sûr était de les induire à suivre leur penchant en poursuivant tous les déduits du corps. Il y avait un jeune varlet vain, frivole et débauché. L'ennemi le conduisit à la sœur aînée et tant fit le varlet et pria qu'elle s'abandonnât du tout à sa volonté. La chose, cependant, demeurait secrète. Mais l'ennemi, quand il a séparé quelqu'un de Dieu, n'a pas de plus grand plaisir qu'à tirer de là une occasion de scandale. On sut donc bientôt la méchante conduite de la demoiselle et comment elle avait perdu sa virginité. Or, en ce temps-là, quand une femme était surprise en délit charnel, « qu'on prenoît en avoutir, » dit Boron. Le mot « avoutir » s'entend de toute œuvre de chair hors mariage. Il est d'ailleurs probable que la peine de mort était appliquée au cas d'adultère dans les anciennes lois barbares, aussi bien que dans celles de Moïse. L'auteur de la vie de Saint Quintegern dit même que la femme non mariée, convaincue d'incontinence, était, chez les Bretons, jetée dans un précipice, chez les Saxons, brûlée vive. On ne devait pas avoir souvent recours à ces anciennes lois, mais elles purent devenir une conséquence du système féodal et s'appliquer rigoureusement aux femmes héritières ou tenancières de bénéfices. Comme, à défaut d'héritier direct, les fiefs devaient retourner au suzerain, la veuve ou l'héritière, mettant au monde un enfant dont la légitimité n'était pas reconnue, faisait tort au suzerain. Aussi voit-on les commères, qui plus tard glosèrent sur la grossesse de Merlin, regretter que tant de fiefs, de maisons et de terres soient au point de lui échapper. Mar fut si bio herbe jage, et si belle terre, et si bon fillet, que or sera tôt perdu. Et sans faille, ajoute le confesseur de la pauvre fille enceinte, quand les juges le sauront et la justice, ils vous feront prendre pour avoir vos grands édifices, et diront qu'ils feront de vos justices. Donc, quand une femme était surprise en délit charnel, elle devait se déclarer commune à tous. Où l'on en faisait justice ordinaire, on la lapidait. on avait pour la prostituée cette indulgence, parce qu'en avouant cette profession, elle renonçait à sa part dans la succession de famille et n'était plus une héritière dont le roi put offrir la main à quelqu'un de ses hommes. Les juges, avertis du fait, s'assemblèrent et ne la condamnèrent qu'à regret. « Voyez cette famille, se dirent-ils. Le père, il n'y a pas longtemps, était riche, honoré, entouré d'amis. Quelle méchéance de son fils, de sa femme et de lui. Et maintenant, il nous faut juger sa fille à mort. » Par pitié et pour l'honneur de leur ancienne amie, ils décidèrent qu'on la conduirait dans les champs et qu'on l'enterrerait vive de nuit afin de cacher la chose autant que possible. Nouvel exemple de ce que peuvent attendre de l'ennemi ceux qui l'honorent et lui obéissent. Il y avait au pays un prud'homme auquel on apprit ce qui se disait partout de cette aventure. Il alla trouver les deux autres sœurs pour les conforter et leur demander comment tant de malheurs leur étaient arrivés. « Nous ne savons, dirent-elles, sinon que Dieu nous a pris en haine. Ne parlez jamais ainsi, répondit le prud'homme. Vous n'avez rien perdu de par Dieu. Dieu gémit au contraire quand il voit le pécheur se haïr lui-même. Tout vous est advenu de par l'ennemi. Mais étiez-vous informé de la mauvaise vie de votre sœur ? Oh non, assurément. Gardez-vous donc de faire comme elle, car le mal vient du mal faire, et le bien du bien faire. C'est saint Augustin qui l'a dit. » Ainsi les enseigna le prud'homme. L'aîné l'écoutait avec attention et n'oubliait rien de ses paroles. Il leur apprit sa croyance, comment elle devait prier Dieu, craindre, adorer et servir Jésus-Christ. « Si vous retenez bien mes conseils, leur dit-il, vous en tirerez grand profit. L'ennemi n'aura pas sur vous de pouvoir. Vous serez mes filles en Dieu. Je pourvoirai à vos besoins. Quand vous aurez un conseil à demander, ma maison n'est pas éloignée. Venez à moi, vous ferez que sage. » Le démon voyait avec chagrin les deux filles prêtes à lui échapper. Et comme il n'espérait plus les décevoir par le moyen d'un homme, il pensa qu'une femme pourrait mieux le servir. Il y en avait une, dans le siècle, qui avait toujours été prête à lui obéir. Il alla la trouver et la pria de visiter la plus jeune des deux demoiselles, car pour l'aînée, plus sage et plus humble, il savait qu'il n'en devait rien attendre. La vieille alla donc chez la plus jeune et commença par s'informer de sa vie et de celle que menait sa sœur. « Vous aime-t-elle ? Vous fait-elle toujours bon visage ?» « C'est, répondit la jeune pucelle, la fille la plus triste du monde. Elle songe toujours au malheur de notre famille. Elle ne fait accueil à personne. Un prud'homme a toute sa confiance. Il l'entretient dans cette habitude de triste pensée. Elle ne voit que lui, elle n'entend et n'agit que par lui. « Ah, ma douce sœur, fait la vieille, dans quel abîme êtes-vous tombée ? Je vous plains d'avoir en pure perte une si grande beauté. » Tant que vous aurez une telle compagnie, vous devez renoncer au bonheur du monde. Si vous aviez une seule fois senti la joie et le déduit des autres femmes, quand elles sont avec leurs amis, vous feriez autant de cas de vos plus grandes aises d'aujourd'hui que d'une pomme pourrie. Le bien-être véritable, c'est la compagnie de ce que nous aimons. Autrement, ce n'est pas vivre. Pour moi, j'aimerais mieux manquer de pain et sentir près de moi mon ami, que posséder sans lui toutes les richesses du monde. Le bonheur, c'est l'union de l'homme et de la femme. Et sais-tu, ma belle amie, pourquoi je te plains ? C'est que ta sœur, étant l'aînée, aura compagnie d'hommes avant toi. Si qu'encore de toi on cuira. Tel est le dernier vers conservé du poème original de Boron. À la différence de la première partie, qui est le Joseph, le Merlin ne nous a pas été conservé dans son intégrité. Mais ainsi que nous avons dit, on le réduisit en prose, et les assembleurs l'adoptèrent comme partie intégrante et même nécessaire de leur cycle de la table ronde. Nous suivrons donc maintenant, à défaut des vers de Robert de Boron, la réduction en prose que tout porte à nous faire regarder comme fidèle. Elle voudra trouver la première un époux. Quand elle sera mariée, elle ne prendra pas soin de ton célibat, et tu perdras tout ce que tu devais justement attendre de tant de beauté. Mais, dit la jeune fille, nous avions une autre sœur qui, pour avoir fait ce que vous conseillez, a subi une mort honteuse. Votre sœur avait manqué d'adresse, et si vous voulez vous confier à moi, vous arriverez sans aucun danger à tout ce que vous devez et pouvez désirer. « Je ne sais, » reprit la jeune fille, « mais je tremble que ma sœur aînée ne nous surprenne. Allez-vous-en, un autre jour nous reparlerons de cela. » La vieille s'éloigna, mais dès ce moment, la jeune fille fut tout au discours qu'on lui avait tenu. Le démon, qui commençait à avoir accès près d'elle, lui entendait souvent dire en regardant la nuit son beau corps, « Oui, la bonne femme avait raison, je ne suis pas heureuse. » Un jour, elle fit avertir cette vieille de revenir. « Vous disiez bien, lui dit-elle, ma sœur ne se soucie pas de moi. »« Encore mieux vous oubliera-t-elle, dit la vieille, quand elle aura ce qu'elle cherche, c'est-à-dire la compagnie d'un homme. Car de là, ma chère fille, vient toute la joie du monde. » « Je le crois et je suivrai volontiers vos avis si je ne pensais qu'on m'en fera mourir. »« Je sais, dit la vieille, un moyen de vous ôter cette crainte. Vous sortirez de cette maison en disant que vous ne pouvez vous accorder avec votre sœur. Ainsi, vous reprendrez la liberté de votre corps sans rien redouter de la justice. Quand vous aurez mené cette plaisante vie un certain temps, vous trouverez aisément un prud'homme qui vous épousera pour votre beauté. » La pauvre fille suivit ce conseil. Elle s'en alla du logis de sa sœur et abandonna son corps aux hommes. Grande fut la douleur de la sœur aînée en la voyant s'éloigner d'elle pour mener une pareille vie. Elle alla au prud'homme qui les avait si bien conseillés et lui raconta en pleurant comment sa sœur l'avait quittée pour suivre une vie de femme abandonnée. « Signez-vous, ma fille, lui dit le prud'homme, le démon est encore à votre piste. » Il ne sera content qu'après vous avoir également abusé. Dieu peut vous garder de lui si vous suivez mes enseignements. « Ah, dit-elle, j'écouterai tout ce que vous me direz, car j'ai grand peur de ne pas être assez forte pour me défendre seule. Vous croyez, n'est-ce pas, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, que ces trois vertus sont une même chose en Dieu et que notre Seigneur vint en terre pour sauver ceux qui voudront recevoir le baptême et obéir à Sainte-Église ? « Oui, tout cela, je le crois. » « Alors, reprit le prud'homme, le démon ne vous trompera pas. Gardez-vous seulement de céder à la colère. La colère est la passion qui sert le mieux la cause de l'ennemi. Quand vous aurez sujet de tristesse, venez à moi. Si vous avez des ennuis ou de mauvaises pensées, confessez-les et demandez-en pardon à notre Seigneur, à tous les saints et saintes, à toute créature qui croit et qui espère en Dieu. Toutes les fois que vous entrerez dans votre lit ou que vous en sortirez, signez-vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faites une croix sur vous en souvenir de celle où le corps de Dieu fut attaché. Puis, ayez soin que, dans la chambre où vous reposez la nuit, il y ait toujours lumière, car le diable n'aime que les ténèbres et ne vient pas volontiers où il sait de la clarté. » La demoiselle écouta ses enseignements et promit de les suivre. Elle revint à sa maison, se montra de plus en plus humble envers Dieu et les pauvres. Les bonnes gens du pays venant la visiter lui disaient « Belle amie, quelle douleur de ce qui est advenu à votre père, votre mère, votre frère et vos sœurs. Pourtant, ayez bon courage, vous êtes riche, vous avez un grand héritage. Un prud'homme, si vous vous maintenez en bien, pourra vous prendre à femme. » Elle répondait, « Tout est en la volonté de notre Seigneur. Il sait et me donnera ce qui me convient le mieux. » Le poème publié par Ellis n'a pas conservé une parfaite innocence à la mère de Merlin. Il attribue grossièrement la querelle des deux sœurs à l'habitude qu'elles avaient prise de boire de l'ale avec excès. Voilà comme les œuvres originales sont souvent travesties. Si la vertu, la simplicité de la mère de Merlin n'avait pas contrasté avec l'impureté et la malice du démon, Dieu ne serait pas intervenu en faveur de l'enfant pour opposer les droits de la chaste mère aux droits du père maudit.